Merci Emmanuel et merci donc aux organisateurs et aux organisatrices du séminaire de nous avoir invités à partager nos premiers résultats. Donc pour reprendre un peu les formulations de la présentation du séminaire, c'est la recherche en marche, donc c'est vraiment la première mise à plat. On n'a pas du tout traité toutes les données, mais donc on a posé quand même quelques jalons pour que vous puissiez un peu suivre ce qu'on a voulu entreprendre. Donc on va vous présenter la genèse du projet et comment on s'est retrouvé à formuler donc une enquête qu'on a intitulée Musique debout et qu'on a débuté le 31 mars, donc ça fait 8 mois et le terrain pour nous s'est poursuivi parce qu'on suit des personnes qui sont toujours mobilisées, donc ça fait 8 mois qu'on suit ça. Donc on va procéder en deux temps, présentation de la genèse du projet, ensuite présentation des résultats. En fait, on a souhaité exposer un peu de quoi on est parti. Donc je pense que comme un peu beaucoup de personnes, on s'est d'abord mobilisé individuellement. Donc moi de mon côté, Myrtille de l'autre. On s'est retrouvé à revenir chaque jour sur les premiers jours et à avoir envie d'y revenir. Donc pour nous situer, on est est parisienne. On imagine que socialement, politiquement et en tout cas géographiquement, là, c'est sûr, on est très proche d'un certain nombre de nuits de boutistes, de par des caractéristiques, mais donc faute de données trop génériques, on ne va pas s'avancer, mais voilà, on s'imagine qu'on fait partie prenante du mouvement, de ce que certains ont qualifié de mouvement et d'autres non. Et donc voilà, donc c'est une mobilisation complètement banale, comme moi. Alors ensuite, ce qui est peut-être moins, ce qui est très situé en tout cas, c'est que donc c'est le deuxième point, mobiliser le prisme sociologique et musical, c'est que donc l'une comme l'autre, on prépare un doctorat de sociologie et on travaille sur la musique. Et donc ça, alors bon, si on le, c'est là 8 mois, on peut pas parler d'objectivation, mais en tout cas, après réflexion, ça crée une déformation ou un angle en tout cas d'entrée dans ce qui se passe, qui est au moins double. Donc le premier étant que on observe, une espèce de réflexe sociologique. Donc on n'a pas pris, on s'est pas positionné dans une commission d'anglais. On a circulé, on a regardé, on a observé ce qui se passait, en prenant part de manière ponctuelle, mais pas en s'impliquant comme certains dès le premier soir. Et ensuite, donc la musique fait qu'on a été particulièrement attentive d'emblée à tout ce qui était expression musicale sur la place. Ensuite, on s'est posé la question de notre utilité. Donc ça s'est resté un peu suspendu. Je suis pas sûre qu'on ait trouvé de réponse. Mais en tout cas, on a trouvé matière à nourrir une réflexion qui va au-delà évidemment de notre pratique scientifique, mais en tout cas qui a rencontré des points qui sont un peu, qui sont pas forcément le cœur de nos recherches, mais qui nous traversent et où on a trouvé peut-être un intérêt, ça c'est sûr, et peut-être on s'est dit qu'on pouvait apporter des éléments de compréhension ou en tout cas des éléments de question, ça c'est certain. Avant d'avoir formulé le projet à deux, on avait déjà des questions en tête donc qui sont liées à nos recherches. Donc Myrtille, je te laisse la parole pour présenter ton... Oui, en fait, moi au début, c'est vrai quand ça a commencé, il y a eu un certain nombre de manifestations musicales aussi sur la plage. Je pense que ça m'a interrogée vu que moi je travaille sur les programmateurs et les programmatrices, donc les personnes qui sélectionnent les artistes pour jouer dans les salles, quel que soit le genre musical, à Paris, à Berlin, je pense que ça a d'emblée questionné, vu que à Paris moins, même si ça recommence un peu, mais à Berlin beaucoup plus, on a ce questionnement sur le dedans et le dehors, les free parties, tous ces trucs là. Et du coup, je pense que le fait d'avoir ces manifestations à l'extérieur, musicales aussi, mais pas seulement, ça m'a questionné aussi, moi, politique, sur mes propres questions, on va dire, politiques en relation avec la musique par rapport à ma thèse. Donc voilà, c'est aussi par ce biais-là que ça m'a questionné sur un versant plus politique, mais par rapport à mon sujet aussi. Et alors, pour ma part, en fait, donc pour partir de plus loin, en fait, je prends très au sérieux la musique, pour le dire sans détour. J'ai fait, entre guillemets, le CPE en chantant pendant 2 mois, donc j'ai une expérience de ce que c'est qu'une mobilisation vocale, instrumentale, etc. Et par ailleurs, donc, du fait de mes travaux, j'ai une approche un peu large historiquement de ce que peut faire la musique dans un mouvement, donc notamment en 1789, en 1848. Donc c'est un truc où je me suis dit, il se passe quelque chose, et que fait la musique, et où moi je pourrais me positionner, voilà. En tout cas, bon, il y avait cette idée de prendre part à la mobilisation. Alors, ce qui est resitué dans notre calendrier d'écriture de thèse est complètement contre raison. Et voilà. Mais en fait, on voulait vous donner d'entrée de jeu cet aperçu pour on ne parle pas de nulle part, et il y a certains mécanismes, voilà, qui ont fait qu'on se retrouve là et qu'on se retrouve donc à former une équipe pour mener donc ce qu'on a intitulé très vite Musique debout. Alors, la FMSH a formuler un appel à projet, donc ce qui a de fait précipité et un peu, enfin, nous a contraint à formaliser des questions qu'on avait. On ne s'est pas rencontrés sur la place, mais on fait partie d'une revue scientifique qui s'appelle Transposition Musique et Sciences Sociales, qui est coéditée par le HESS et la Philharmonie. Donc on se connaît avant cela, et voilà, on a échangé là-dessus. Et bon, en fait, on s'est dit, la fin de ce processus un peu long, en fait, ce qu'on dit, voilà, ce qui dit peut-être des choses sur la manière de se mobiliser quand on est apprenti chercheur en sciences sociales, voilà, les choses prennent du temps. En tout cas, pour nous, c'était le cas. Mais donc, à la fin de ce processus, on a eu l'impression d'avoir trouvé notre place, et où, du coup, cette enquête était une manière pour nous de participer de la dynamique, d'y contribuer, parce qu'on pense que, enfin, d'une part, que comprendre peut permettre des choses pour ce moment-là, mais sans doute d'autres, et que d'autre part, parler d'eux, ça fait parler d'eux, donc voilà. Donc, c'est notre petite contribution à cette affaire. Donc, partant de l'appel de la FMSH, on a formulé un projet de recherche. Donc, on va vous synthétiser, enfin, combien qui va vous synthétiser, voilà, qui étaient nos grandes questions Oui, en fait, donc on s'est questionné sur un certain nombre de choses en voyant donc sur ces enjeux de la musique, etc. Donc il y avait, en fait, je pense que l'idée principale qui nous a un peu questionné, c'est que après le concert du 51 mars, en fait, il y avait depuis le début énormément de musique sur la place, etc. Et il y a eu vraiment un surgissement médiatique, en fait, de la musique à Nuit debout. Enfin, ça a été très relayé, mais par les médias généralistes, etc. Beaucoup plus que les expressions musicales qui étaient sur la place avant et auxquelles on avait aussi participé avant. Et du coup, voilà, ça nous a questionné, en fait, cet effet médiatique à partir de ce concert. Et du coup, on s'est aussi posé la question de comment est-ce qu'on peut mobiliser la musique. Enfin, est-ce que la musique est un support de mobilisation? Est-ce que c'était une sorte de répertoire d'action militante, en fait? Voilà, donc on s'est un peu posé cette question-là, vu que, et notamment à partir de la formation Orchestre Debout, vu que c'est pas nécessairement, en tout cas dans les répertoires actuels, la forme la plus traditionnelle qui est utilisée, enfin dans les manifestations, tout ça, c'est pas nécessairement ça qu'on voit comme forme musicale le plus souvent, donc c'est surprenant. Et aussi, c'est une musique où il n'y a pas nécessairement des paroles, etc., alors que ça arrive dans les manifestations, c'est plus souvent des musiques, enfin après, bon, ça dépend, mais c'est pas nécessairement la musique qui est la plus utilisée comme répertoire musical de manifestations politiques, on va dire, officiellement présentées comme militantes. Voilà, donc du coup on a voulu un peu s'interroger sur ça et sur les logiques aussi d'occupation de la place, sur les différentes formes musicales les unes par rapport aux autres, et ce que ça pouvait dire de manière plus politique. Donc en termes de méthode, juste rapidement, on s'est dit que c'était une manière de rentrer, en fait la musique c'est une manière de rentrer finalement l'interrogation plus générale sur Nuit debout, vu qu'il y a eu beaucoup de discours, effectivement, comme ça a été dit avant, sur Nuit debout, c'est très difficile, enfin, de parler comme ça sur quelque chose qui est très multiple, qui est très diversifié, de dire bah voilà c'est ça, etc. Donc c'est aussi un biais d'entrée, et on le verra aussi, qui est aussi lui-même se resegmente, enfin est aussi également multiple. Donc on a fait à la fois de l'observation, en fait, pour essayer de voir différents niveaux, à la fois de l'observation sur la place, de l'observation sur Internet, donc avec des revues de presse, etc., sur Facebook, sur YouTube, On envisage aussi de faire des entretiens. Pour l'instant, on les a pas réalisés parce que comme on a indiqué, on est en fin de thèse et c'est un peu le calendrier pas idéal. Voilà, mais c'est pas, ce n'est que remis à plus tard. Et si ça marche. Et ensuite, on a aussi envoyé un questionnaire en ligne à destination des personnes qui ont participé à l'orchestre de vous. Donc, on présentera quelques éléments plus tard. Voilà. Donc là, on va vous présenter les résultats premières mises à plat de nos données qu'on a organisées en trois temps, donc, que vous avez là. Alors, ce qu'on appelait la prise multiple de la République. Donc, pour faire court, il y avait deux idées qui circulaient, qui présidaient à beaucoup d'échanges, quelles que soient les commissions au début de Nuit Debout. C'était l'idée qu'il fallait être horizontal et qu'il ne fallait pas de porte-parole. Et donc, nous, on a transposé ces questions-là à l'expression musicale sur la place et on s'est demandé, donc c'est un peu le fil là, de ce premier point, comment Nuit Debout avait mis en œuvre ce programme d'action et de réflexion et de voilà qui a beaucoup été discuté vraiment enfin plus que discuté et voilà donc nous on s'est posé cette question là sur la place donc en rentrant dans la musique telle qu'on la voyait d'abord de manière un peu enfin qui pouvait donner le sentiment d'une expression un peu anarchique, où on avait l'impression qu'il y en a partout, il y en a pour tout le monde, on ne sait pas trop comment ça s'organise, personne n'organise. En fait, pour un peu voir comment les expressions occupent l'espace de la place et comment elles occupent l'espace médiatique de la Nuit Debout, on a essayé de voir comment les nuits deboutistes s'en saisissaient via leurs organes, donc ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle en tout cas dans la sociologie de la culture, les intermédiaires. Au-delà d'ailleurs. Donc on a regardé ce que faisait la Gazette Debout, ce que fait TV Debout, ce qu'on dit dans les comptes rendus d'AG. Enfin voilà, là où on peut saisir ce que Nuit Debout dit collectivement sur ça. On propose un petit retour en arrière, en fait, pour dire que donc le 31 mars, quand ça démarre, la musique est d'emblée présente. Donc là, vous avez, c'est visible, vous avez le journaliste de Libération qui fait son live, et qui vient d'observer les premiers moments de Nuit Debout et qui quitte, enfin qui rend son live en disant forcément Bella Ciao, voilà. Et juste à côté, vous avez donc on lâche rien. Alors donc là, je vais passer sur mon Facebook à moi pour vous montrer ça. C'est la page de Leïla Chebbi, dont je vais vous dire quelques mots après, mais donc d'abord je voudrais vous faire entendre, j'espère que ça va marcher, ce qu'elle diffuse, donc ça c'est au lendemain c'est ce qu'elle poste sur son mur Facebook, à cette époque-là elle a quasiment 5000 personnes qui la suivent, et donc le 32 mars, je ne sais pas si c'est le matin, elle poste ça. Voilà, vous voyez l'idée, je vais aller vite parce que on coupe plus la durée des vidéos. On lâche rien, HK et les Santa Bank, voilà, donc ça, donc le 32 mars, elle poste ça. En l'accompagnant d'un petit message qui dit je sais pas ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, c'est la folie sur la place, donc voilà. Donc là, Leïla Chebbi, pour la situer très vite, en fait, c'est une militante une ancienne militante du NPA, une militante du parti de gauche qui s'est illustrée dans plusieurs mobilisations. Quand elle fait ça, c'est la communication politique, c'est très bien pensé, je trouve ça très efficace. Par ailleurs, donc elle fait partie du premier, ce qui est ensuite dans la mise en récit de l'émergence, de la montée en puissance de la place, a été érigé en moment un peu fondateur comme ça du samedi 23 février où il y a l'idée de cette nuit rouge, donc on y revient, avec le journal Fakir, merci, vraiment, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Donc là, on est dans, en fait, on est dans du répertoire militant en termes de chansons qui est assez traditionnel, classique de cette partie de l'échiquier politique. Et donc pour finir, alors très vite, le portrait sonore de ce premier, de ce 31 mars. Donc ça, c'est un journal politique qui a beaucoup suivi la Nuit debout, qui a fait plusieurs reportages sur la musique, et qui dit il faut pas rester dans le folklore, donc voilà, il faut pas rester dans ça. Et ça marche. Donc la suite, c'est ce qu'on a appelé l'extension du domaine des sonores, où tout d'un coup on a la place se remplit, et ça se traduit en chanson, alors dans plusieurs directions. D'abord, donc celle que on a là, on va voir l'autre. Bah, peut-être je ne vais pas toutes les montrer là pour qu'on tienne les revues. Ouais, bon. Donc ça, c'est symptomatique des soulèvements. Bon, en général, ça donne lieu toujours à une profusion comme ça, créative, de paroliers. Et donc ça, c'est les premières expressions musicales au lendemain de... c'est le 2 avril, et c'est relayé par la TV2. Donc ça, c'est le chanteur d'actu. Autour de lui, il y a une vingtaine de personnes qui composent une chanson sur la place. Bon voilà, donc inspiration, merci patron. Je vais partir là-dessus. Dans le même esprit. Dans le même esprit, on a la chorale debout, donc qui ne compose pas, mais qui dès le lendemain veut faire la révolution en chanson. Donc ça, c'est le titre de la Gazette debout du mois de juin pour qualifier la pratique de la chorale debout. Et c'est vraiment ça, en fait, il rassemble un répertoire de chansons contestataires, révolutionnaires. Et ils ont ils sont mobilisés dans les manifestations contre le travail. C'est la chanson au service de la révolution. Donc ça, c'est une première modalité d'expression musicale qui s'inspire de la Nuit debout, qui se revendique, qui se positionne par rapport à la Nuit debout, et qui est relayée par les canaux de la nuit comme quelque chose qui participe de la Nuit debout et qui voilà. Dans un autre ordre d'accréditation, on a les événements Nuit debout. Donc ça, c'est il y a un certain nombre de week-ends, de soirées ou de journées qui ont été orchestrées, donc notamment par la commission animation, donc qui sont des moments de grand rassemblement qui correspondent soit au calendrier Nuit de Boutisme, donc typiquement le 100 mars, c'est pour célébrer l'anniversaire du mouvement, mais ça peut être aussi lié à un calendrier festif républicain français, type la fête de la musique. Et donc à ces occasions-là, il y a toujours une programmation des activités des diverses commissions, et il y a une programmation musicale. Donc là, vous avez le programme du 21 juin qui donne une idée du mélange du répertoire que souhaite promouvoir de fait la commission animation, et qui se retrouve le 21 juin. Et c'est vrai qu'on passe de l'international à la salsa du démon, et c'est assez rigolo. de là, puisqu'on promeut l'horizontalité et l'absence de porte-parole, on peut se demander si on a une république sans frontières. En fait, on a eu deux discours. Je vais assez vite, mais il y avait ces discours de l'horizontalité. Et puis très vite, il y a eu l'autre discours qui disait mais non, la place elle est clivée, puis il y a des groupes, et puis voilà. Alors autant en interne qu'en externe, on a eu des discours comme ça qui cherchaient à caractériser, à identifier, à se dire c'est qui. Bon, en fait, si on s'en tient à ce qu'on observe sur la place, juste à l'observation des expressions musicales, on s'aperçoit, donc là je vais faire référence à un article d'une journaliste qui avait fait une jolie carte que je ne veux pas vous montrer pour que ça ne reste pas dans vos esprits, mais qui disait, voilà, il y a la place qui pense et la place qui danse. Et donc qui opposait la place de la fête à ces gens qui réfléchissent. Et en fait, donc là, j'ai pris l'exemple du 7 mai, mais je pense que n'importe, enfin, quasiment tous les jours, on pourrait prendre... Pour exemple, en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Ça circule entre les groupes. Là, donc, on a l'orchestre debout qui est en train de donner un cours gratuit, un piano debout. Donc, eux, ils sont le long de la, enfin, autour de la statue. Et donc là, je vais remplacer, je pense, on va essayer, mais je pense que ça va pas marcher. Là, ça, je vous montrais le centre de la place qui est censé penser. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Hop. Donc c'est toujours le samedi 7 mai. Ouais. Bon, ça c'est un homme qui joue de la guitare avec son poste, qui fait partie de ce qu'on peut qualifier de quotidien de Nuit Debout, en fait, où il y a quotidiennement des personnes qui viennent avec leur instrument de musique, ou qui n'ont pas de scène, qui ne sont pas dans les programmes, mais pour autant elles sont bien sur la place de la République et elles font de la musique, et parfois elles trouvent un public, parfois elles n'en cherchent pas. Là, le monsieur est en train de discuter avec son camarade à côté. Et en fait, ça, là on fait des coups de zoom, je suis désolée, du coup c'est un peu... c'était pour dire que ces personnes-là donc, sont sur la place, sont là pendant Nuit Debout. Est-ce qu'elles sont Nuit Debout ou pas? Je pense qu'elles... Enfin, je ne sais pas si elles se posent la question, en tout cas, mais je ne peux pas les voir pour leur demander. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont aucune visibilité médiatique. Donc si je ne vous montre pas ce que je ne vais pas faire, la vidéo de cet enregistrement-là, et ben, il n'y a aucune trace. Donc c'est pour le dire simplement, s'il n'y a pas d'intermédiaire pour relayer ça, ce moment de musique sur la place, qu'on ne sait pas si on qualifie de moment musical Nuit Debout ou pas, en tout cas on n'en conservera pas la trace. Bon, ça c'était... ça c'est en fait nous parce que je pense que pour toute personne qui allait sur la place de la République, on pouvait pas y échapper. Voilà. Donc ça c'est le 100 mars, qui est la fête qui célèbre. C'est un moment de la soirée du 100 mars. Hein. Alors, dans le programme du 21 juin, dans le programme, en fait, il y avait la dernière ligne disait toutes les personnes qui veulent venir avec un instrument viennent. Donc, dans ces moments-là, en fait, on a une ouverture de la programmation qui, a priori, fait que tout ce qui peut se trouver sur la place peut être mis boutiste. Là, en l'occurrence, donc ça se passe. Le gros de la fête du 100 mars a lieu sur la place qui pense. Et donc, il y a ça à la marge. Et bon, voilà. Il y a quotidiennement des tambours, en réalité, autour de cette statue. Et voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'était de dire que Nuit Debout n'a pas forcément le monopole de évidemment toutes les expressions musicales qu'il y a sur la place. Et inversement, la place de la République n'a pas le monopole de toute la musique debout à Paris. Là, je vais faire court, mais pour vous montrer un extrait de donc, quand les nuits bouddhistes font du bruit en extérieur. Alors, je pense qu'on va avoir une pub. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un départ. Enfin, c'est plus qu'un départ. C'est une manif sauvage. Et c'est apéro chez les Verts, si vous avez quoi. Je vais aller plus loin. En fait, on a de la musique, si vous bien. Ah non, alors attendez. Bon voilà, c'était pour illustrer en fait ce qu'on, enfin notre point de départ, c'est on n'a pas de définition ferme de ce qu'on doit entendre par musique, et donc typiquement dans un soulèvement, le passage de la musique au slogan se fait assez naturellement. Bon, pour finir en fait sur ce premier point, ce qu'on a observé donc au fil des jours à travers l'observation de la place, c'est qu'il y avait une diversité des expressions musicales. Enfin, on n'a pas du tout et on n'aura jamais, je pense, l'archival de tout ça. En tout cas, nous on s'est pas lancé dans ce genre d'entreprise. D'une formation à l'autre, ça circulait plutôt beaucoup sur la place, et que voilà, les frontières entre, il n'y a pas des groupes comme ça hiérarchisés, organisés, que bon. Voilà. Et donc, on est à 3 semaines, là, voilà, et arrive le 51 mars, où tout d'un coup, on a, on peut discuter du mot, mais en tout cas, il y a une irruption médiatique. Donc je pense pour les personnes qui ne sont jamais allées à Nuit Debout parce qu'ils ne sont pas parisiens et parisiennes à ce moment-là, tout d'un coup je pense qu'ils découvrent qu'il y a de la musique sur cette plaque. Alors, peut-être qu'ils ne s'en souciaient pas, mais en tout cas là, c'est difficile d'échapper à ça, parce que tout d'un coup l'orchestre debout, donc c'est ce qu'on n'exposera pas aujourd'hui parce que ça on est en train de le traiter, mais donc via différents intermédiaires de la Nuit Debout, via les réseaux sociaux, via les médias traditionnels, tout d'un coup bénéficie d'une amplification de la prestation qui dure un certain temps, et du coup de fait invisibilise tout ce qui se passe sur la place. Je vais du coup vous montrer, ça c'est une vidéo donc qui a été postée par un des musiciens, c'est une personne que je connais pas du tout, s'il est là. et qui a été vu plus d'un million de fois depuis. Alors. Si vous voulez revoir ces images, il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, vous tapez orchestre debout, vous trouverez, et vous ne trouverez pas, par contre, évidemment, plus difficilement ce qu'on vous a montré avant. Donc ça, c'était un peu notre point de départ de recherche, d'essayer de comprendre comment on passe d'un espace de la place où on a des frontières qui ne sont pas nettes, en tout cas, à une frontière représentative. Une hiérarchie dans la mise en visibilité qui passe par tout un tas de choses qu'on est en train d'étudier. Et donc dans le cadre de ça, on a approché l'orchestre debout en se disant qu'on ne pouvait pas simplement essayer de comprendre ce qui se joue au niveau des médias, mais qu'il fallait aussi essayer de comprendre qui sont ces personnes et de pas juste les regarder comme des gens qui sont médiés, mais comme des gens aussi qui font, qui pensent, qui vivent, et voilà. Et donc on les a rencontrés, on leur a proposé un questionnaire donc, qui a été mis en ligne à la fin du mois de... On a un doute sur la date, mais fin... non, c'était début août, donc en plein milieu de l'été, et auquel on les a invités à répondre jusqu'au... donc, jusqu'à hier, et donc pour lequel on... évidemment on n'a pas du tout fini le... Le traitement, des, enfin, on n'est qu'au début du traitement des données, mais donc Myrti va vous en fournir un aperçu. Je peux prendre une dizaine de minutes. Je vais essayer de faire rapide. Alors, en fait, bon, je vais juste présenter en gros quelques enjeux sur le questionnaire, voilà. D'abord, je vais revenir un peu sur les points méthodologiques du questionnaire, voilà, en sociologie en particulier là, dans son texte. Et puis après, je reviendrai rapidement sur quelques débuts de résultats, mais bon, en sachant que voilà, la base de données est très très grosse. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui utilise le logiciel Lime Survey, mais voilà, c'est un peu la galère, on va dire, pour coder les données. Donc voilà, c'est encore un niveau, on va dire, élémentaire. Alors juste donc le questionnaire effectivement donc on l'a diffusé à la fois en fait la grosse question c'est que le questionnaire il a été diffusé bien après le début des concerts en fait de l'orchestre de Vous donc ce qui implique un peu un problème et c'est aussi que c'est un questionnaire en ligne donc pour que les personnes qui ont participé au premier concert ensuite répondent au questionnaire, c'est déjà, même si voilà tout le monde souhaitait le faire, c'est déjà un problème même rien que de diffuser l'information, que les personnes obtiennent l'information et qu'elles aillent ensuite répondre au questionnaire. Donc ça c'est une première chose. Après, en fait, pourquoi le questionnaire en ligne par rapport au questionnaire papier ? Ben, si on était plus nombreux ou nombreuses dans cette enquête, on aurait pu faire le questionnaire papier qui est quand même bien mieux en termes de... à la fois parce que beaucoup de personnes n'ont pas envie de remplir un questionnaire en ligne parce qu'il y a la peur aussi après par rapport aux données, etc. Bon, là, le logiciel en question supprime... décorrèle l'adresse IP des réponses qui sont enregistrées pour justement préserver l'anonymat, mais bon, voilà, c'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Et effectivement, enfin voilà, chacun quand il remplit des données sur Internet, surtout dans des milieux où il y a une politisation sur ces questions, peut se poser cette question. Donc c'est normal qu'il y ait un peu des réticences par rapport aux questionnaires en ligne. Et il y a certaines personnes de l'orchestre de Vous qui nous en ont parlé. Après, il y a aussi bah, justement ce que je lui ai dit, la difficulté pour que les personnes qui sont là concrètement aillent répondre au questionnaire. Il y a un biais de sélection, on va dire, qui peut-être est renforcé par rapport... Enfin, en fait, le questionnaire, on souligne toujours en sociologie le biais de sélection du fait qu'il y a cet aspect assez scolaire. Bon, ça a une tendance à surreprésenter les personnes qui ont un rapport... Enfin, voilà, qui sont plus diplômées, qui ont un rapport à l'écrit, plus facilité, etc. Et je pense que là, dans ce contexte-là, le questionnaire renforce un peu ce biais vu qu'il faut aller sur Internet, il faut remplir le truc. Donc, ça veut dire qu'il faut être un minimum concerné, enfin, être assez motivé pour aller sur Internet pour remplir le questionnaire, etc. Après, c'est aussi un questionnaire qui est relativement long, donc il y a un certain nombre de personnes qui ont regardé la première page et ensuite qui n'ont pas rempli le questionnaire. Bon, après, on n'a pas toutes les questions sur la première page, mais même déjà la première partie des questions, c'est assez long. Donc, il y a un temps de réponse qui est assez long, qui peut décourager de répondre à toutes les questions. Il y a aussi des questions qui ont été jugées intrusives, selon les mots de certaines personnes qui ont répondu, enfin, qui n'ont pas répondu à ces questions-là, sur notamment les propriétés sociales. Mais bon, ça, c'est un problème qu'on retrouve dans énormément de questionnaires, quel que soit. Enfin, moi, j'en fais dans différents espaces et c'est quelque chose qui est très souvent soulevé et qui est un problème général, même si les questions, enfin, les réponses sont anonymes. Voilà, donc c'est important de souligner ces limites qui font qu'on a un échantillon qui est relativement réduit, surtout que du coup, voilà, on a commencé le questionnaire tardivement. Mais bon, je pense que comme plein de méthodes, toutes les méthodes de sociologie ont des limites, on n'est pas dans un laboratoire, enfin ça fait partie aussi, je pense, de l'analyse de l'objet. Et donc justement, là, je pense qu'il faut prendre en compte que les personnes qui ont répondu, c'est des personnes qui se sentent relativement, enfin suffisamment investies, en tout cas pour répondre à un questionnaire qui s'adresse aux personnes qui ont participé à l'orchestre de Vous. Alors, je vais rapidement présenter en fait les différentes parties. Donc, en fait, il y a quatre parties. Il y en a une qui porte plutôt sur la participation à Mise debout et à l'orchestre debout. une qui porte plutôt sur les pratiques musicales, une qui porte plutôt sur les pratiques politiques et de mobilisation, et une qui porte plutôt sur les propriétés sociales. Je ne sais pas si j'aurais le temps de tout faire. Moi. J'ai mis à chaque fois quelques résultats préliminaires. Donc je souligne que là, donc le questionnaire finissait hier, donc on n'a pas, enfin c'est pas les réponses qui datent d'hier, hein, j'ai pris les réponses de la semaine dernière parce que sinon j'aurais pas eu le temps de le faire. Il y a 58 questionnaires exploitables, donc c'est un nombre vraiment réduit. Après, on peut supposer que si on pense que, je sais pas, si on estime, en estimation haute d'après nos observations, qu'en tout, on a environ 600 personnes qui ont participé à l'orchestre debout entre le début et la fin. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens ici qui pourront dire s'ils pensent qu'il ne faut pas être plus ou moins. On est à peu près à 10% de taux de réponse, ce qui est plus ou moins cohérent avec la plupart des enquêtes qu'on fait par questionnaire. Bon, après, faire des statistiques sur 58 personnes, hein, on ne fait pas ça. Donc voilà, donc là, j'ai mis un peu... ça donne des idées, mais c'est pas non plus un questionnaire statistique au sens, on va dire, si je dis ça des statisticiens, ils s'arracheraient les cheveux. Alors, donc la première partie, la première partie, c'est donc là, c'est des exemples de questions. Bon, on voit pas trop, mais en gros, c'est l'idée de se renseigner à la fois sur les concerts auxquels les personnes ont participé. Il y avait aussi des questions sur les choix musicaux, les votes sur les musiques qui allaient être interprétées, est-ce que les personnes sont venues d'abord à Nuit Debout ou d'abord pour l'orchestre debout. Voilà, donc en fait l'idée c'était aussi de voir dans l'arrivée dans l'orchestre debout, est-ce que les gens arrivent par l'orchestre debout à Nuit Debout, est-ce qu'ils sont à Nuit Debout et ils s'investissent dans l'orchestre debout, enfin d'essayer, c'est pas que ça, hein, mais bon j'essaie de résumer rapidement. De voir par quel biais ils en ont entendu parler, etc. Donc là, voilà. Donc vous voyez, en gros, on voit que donc déjà les enfin, en fait, il y a beaucoup de personnes. On voit plus de la moitié des répondants qui sont venus à Nuit Debout avant de venir pour l'orchestre debout. Bon, on retrouve à peu près les deux configurations. On a aussi beaucoup de personnes qui ont entendu parler via les réseaux sociaux et les réseaux musiciens, donc c'est-à-dire leur connaissance dans les milieux musiciens, et ça vient avant les réseaux militants ou les médias, etc. Et après, il y avait aussi la question, est-ce que en dehors d'Orchestre Debout, vous participez à des choses dans Nuit Debout, donc des commissions? Donc là, c'est est-ce que vous participez dans des commissions à Nuit Debout, est-ce que vous venez plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, ou est-ce que vous venez pas. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes parmi les répondants qui viennent à Nuit Debout en dehors aussi de l'orchestre debout, donc qui ont quand même une présence à Nuit Debout qui est importante, surtout quand on compare au fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne viennent pas de Paris, en tout cas dans les répondants, hein, mais qui ne viennent pas de Paris même, et du coup ça souligne le fait que ces personnes se déplacent régulièrement à Nuit Debout alors qu'ils sont potentiellement de banlieue, donc ça veut dire un investissement en temps quand même important. Tu peux vous mettre la suivante. Alors, donc ensuite, la deuxième partie, c'est plutôt sur la partie sur la pratique musicale. Donc, est-ce que c'est des personnes qui sont très formées à la pratique musicale? Est-ce que c'est des personnes qui se produisent en dehors de l'orchestre debout dans des concerts, etc., ou en tout cas des présentations publiques de la musique? Et on voit par exemple les biais, enfin il y a un biais de sélection qui est important, c'est qu'on voit que par exemple dans les instruments il y en a qui sont clairement sous-représentés, donc les cuivres par exemple sont très sous-représentés, le chant aussi par rapport au nombre de personnes qui ont chanté, donc on voit clairement c'est pas tout le monde qui a répondu au questionnaire, donc on raisonne quand même sur un petit groupe. Je tiens à le rappeler parce que c'est important pour pas non plus faire des généralisations, Et donc on voit quand même que les personnes qui ont répondu, en tout cas, sont des personnes qui ont pour la plupart suivi une formation au conservatoire ou en école de musique. Et c'est aussi des personnes qui finalement se produisent régulièrement en public. Donc on peut supposer qu'il y a une habitude aussi de se produire en musique, de faire de la musique en collectif qui est réinvestie en fait dans la pratique de l'orchestre debout et qui facilite aussi l'organisation. Bon, c'est pas très étonnant. Ensuite, si on passe, je passe rapidement, mais c'est pour ça. Là, c'est plutôt sur la question, donc sur les questions politiques qui ont posé plus de problèmes. Il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitaient pas trop répondre à ces questions. Donc, j'ai pas trop pour l'instant exploité les questions sur le vote, pour qui avez-vous voté en 2012, si vous avez voté, etc. Bon, en gros, on voit quand même que la plupart des votes, c'est plutôt vers la gauche, on va dire, radicale, enfin voilà, Mélenchon. Il y a un certain nombre de personnes qui ont voté pour Mélenchon en 2012. Donc, on se situe, mais il n'y a pas seulement, il y a aussi le centre droit, voilà, mais on voit qu'il y a quand même une mise à distance importante de l'extrême droite et de la droite et aussi du PS pour une partie des personnes. Sinon, on voit qu'il y a aussi quand même une mobilisation importante pour les journées de la loi travail. C'est aussi des personnes qui ont souvent fait grève. Et j'ai croisé, bon là j'ai pas mis le tableau, mais j'ai croisé les personnes qui déclarent qu'elles ont fait grève avec l'âge pour voir aussi, parce que c'est normal qu'on ait fait plusieurs fois grève si on est plus vieux que si on est plus jeune. Et on verra que là le groupe est quand même, se caractérise par, surtout par sa jeunesse, en tout cas les personnes qui ont répondu, hein, je veux dire. Et donc là on voit que il y a un certain nombre de personnes qui ont fait grève alors qu'ils sont relativement jeunes, donc ça signale quand même une pratique, de la manifestation. Militante qui est importante. Et là, on avait essayé de voir en fait la distinction entre se mobiliser, on va dire, politiquement de manière collective ou se mobiliser plutôt de manière individuelle. C'est pour ça qu'on a posé cette question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, en gros, vous dites souvent des choses politiques sur les réseaux, enfin sur vos propres réseaux Facebook? On voit que la plupart des personnes sont sur Facebook. Donc on voit que là, c'est plutôt parfois. Mais en fait, quand on regarde la GPAMI, on avait aussi des questions sur est-ce que vous êtes syndiqué, est-ce que vous appartenez à un parti politique. Donc ça, c'est relativement faible. Par contre, on a près de la moitié, plus que la moitié, pardon, des répondants qui appartiennent à une association sportive, culturelle ou artistique. Donc on voit quand même que en fait, c'est aussi une partie, enfin une dimension de mobilisation qui s'exprime là. Et on verra à la fin que en fait. On peut faire l'hypothèse qu'il y a aussi cette question de la mobilisation politique via la culture, enfin via une dimension. Bon, encore une fois, c'est pas très surprenant par rapport au fait de faire un orchestre debout, mais il y a aussi peut-être éventuellement cette volonté de ramener la mobilisation politique aussi dans le champ musical, dans le champ artistique. Et donc pour conclure rapidement sur les propriétés sociales, donc j'ai mis que quelques éléments. On voit quand même là l'âge, hein, que c'est un groupe, ceux qui ont répondu, qui sont parmi les plus jeunes, c'est peut-être aussi le biais, questionnaire en ligne, hein, on peut penser ça. Vu que, enfin, les moyens dont on a diffusé le questionnaire et les réseaux via lesquels on est passé et aussi le Facebook de l'organisme, on peut penser que peut-être aussi ça sélectionne les plus jeunes. On voit aussi là le sexe des enquêtés, c'est pareil, ça reflète aussi cette idée que tout le monde n'a pas répondu parce que les femmes sont clairement surreprésentées par rapport aux hommes. Bon, ça c'est les gens qui répondent pas, les MR. Et après, donc l'occupation professionnelle, j'ai fait un recodage très rapide des professions pour ceux qui avaient déclaré leur profession, il y en a qui ne l'avaient pas donné. Voilà, j'ai fait un recodage très rapide, donc on voit qu'on a une surreprésentation des professions, on va dire... à la fois intellectuel, en gros on a quasiment que des professions niveau cadre des professions qui sont proches de la recherche, etc., ou de l'enseignement. Ça, on peut aussi se dire que vu qu'on a envoyé le questionnaire, c'est aussi une surreprésentation qui est due au fait que qui sait qui se dit ça a une utilité d'aller répondre à un questionnaire deux mois après, enfin potentiellement c'est peut-être aussi des personnes qui donc on peut pas nécessairement dire ah bah il y a une surreprésentation dans Orchestre Debout de ce type de groupe. On peut aussi se dire que voilà, c'est lié au mode de sélection, donc ça donne des indications, on va dire, partielles. Et après, juste pour finir, donc je voulais mettre la question, on a demandé dans le questionnaire qu'est-ce qu'Orchestre Debout pour vous, enfin qu'est-ce qu'il représente pour vous. Et donc là j'ai mis plusieurs réponses, donc des personnes qui ont répondu, et je trouvais que c'était intéressant parce que justement ça montre cette variété, en tout cas parmi les répondants, la variété des significations qui sont données à cette action. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui est là, en fait, avec les statistiques, on dirait que ça donne un peu une image comme ça, mais en fait, c'est assez divers. On voit, donc ce que je disais tout à l'heure, la question à la fois de politiser la dimension musicale, mais aussi de ramener par la musique d'autres personnes dans la mobilisation, etc. Donc on voit différentes logiques à l'œuvre. Voilà. Bon, je vais finir sur ça. Merci beaucoup. Je vous propose du coup qu'on enchaîne tout de suite avec toujours les expériences, avec la présentation de cinéma.